cathédrale qui part en fumée. V'là 200 millions, mais n'oublie pas mon con que je suis PDG. Oui, c'est normal, une petite niche fiscale et on va s'arranger. C'est pour le patrimoine, celui de François ou celui des Français. T'as pas 100 balles pour ma cathédrale qui part en fumée. Fais un effort, des millions d'électeurs sont en train de pleurer. T'inquiète, je gère, ça remontera ma popularité. Et pense à moi au prochain gros contrat à négocier. T'as pas 100 balles pour ma cathédrale qui part en fumée. Pour ça je veux bien, mais pas pour ces cons qui ne savent pas nager. Arrête d'insister, je ne vais pas payer pour des assistés. Quelle idée ils ont de vouloir traverser la Méditerranée. T'as pas 100 balles pour ma cathédrale qui part en fumée. J'adore, mais mon shit, on va en parler. Que c'est grâce à moi qu'on a reconstruit ce très très vieux clocher. Pour rappel, juste devant, interdit de mendier. T'as pas 100 balles pour ma cathédrale. T'as pas 100 balles pour ma cathédrale. T'as pas 100 balles pour ma cathédrale. Entendu.